Umilta, esquisse de mœurs toscanes, par Ouida. Au sommet de la chaîne de collines qui s'étend entre le Val d'Arno et le Val di Pisa, il y a le Pian di Ceri, et au-dessous du Pian di Ceri se trouve le village de Mosciano, pourvu d'une vierge miraculeuse qui guérit les malades. Le village a donné son nom aux collines qui le dominent, s'élevant au-dessus les unes des autres, en une succession de mamelons boisés entre lesquels se creusent d'étroites vallées dont on suit les ondulations du côté de l'Occident, jusqu'à cet horizon argenté qui montre que la mer est présente au-delà des pics de Carrare. Le monde ne fait jamais invasion ici. Les voyageurs ignorent ce site et ne s'en soucieraient pas. Les artistes qui l'apprécieraient n'en ont point entendu parler. La large route sablonneuse qui monte parmi les bouquets de châtaigniers ou se déroule sous les pins n'est foulée que par la mule du bûcheron ou les bœufs du tailleur de pierre. Pendant les plus ardentes chaleurs de l'été, ces collines sont toujours fraîches et d'une belle verdure. Des eaux souterraines nourrissent les racines et produisent une flore montagnarde abondante. Les admirables pins d'Italie se dressent par centaines, et à leurs pieds, il y a un fouillis de broussailles, chênes rabougris, bruyères de pourpre, genêts dorés. L'air est chargé de senteurs embaumées. À peine entend-on un bruit, sauf celui de la cognée, qui, hélas, ne se repose jamais en ces parages, car les Italiens semblent résolus à détruire tout ce qu'il leur reste de forêt. Les petites vallées ressemblent à des nids d'oiseaux cachés dans le feuillage. Quand le soleil se couche derrière les ombres violettes du mont Albano, l'Ave Maria tinte partout, en bas, dans les plaines, et des clochers, là-haut, et sur tous ces monticules, sur tous ces éperons qui forment la lisière des Apennins. Les gens vivent ici, paisibles, jusqu'à la fin, sans rien connaître de notre monde insensé, des maîtres qui le gouvernent, des guerres qui se déchaînent, des couronnes qui passent. Ils comptent le temps par leurs moissons et vieillissent en paix dans une humble routine que trouble seul l'impôt sur la farine et les méfaits de certains insectes destructeurs des récoltes. En revanche, on ne les connaît pas non plus, et l'imagination du beau monde continue à se représenter une Italie de convention, avec des ruines, des brigands, un ciel safrané. De ces coins de forêt délicieux, nul n'a la moindre idée, ni de cette existence pastorale, ni de ces solitudes hantées seulement par le lièvre, la grive, le hibou à l'aile blanche qui donne la chasse aux papillons bariolés, ou le hoche-queue ami des ruisseaux, de ces ruisseaux frangés de violettes, si nombreux au printemps que le gazon en paraît bleu. « Ah, vous aimez ces mauvaises herbes ?» disent les femmes avec un sourire où la bonne humeur le dispute à la pitié. Là-dessus, elles se mettent à en cueillir pour vous comme s'il s'agissait de complaire à la fantaisie d'un enfant. Umilta me cueillit un jour des violettes, et ce fut ainsi que j'en vins à prendre son histoire. Umilta était la plus belle créature que l'on pût rêver. Grande, mince, élancée, les traits d'une régularité parfaite, et dans les cheveux, cet or rouge de Venise qui n'est pas rare en Toscane non plus. Avec cela, une démarche pleine de grâce et de majesté, comme l'était son port de tête et la désinvolture, fière, libre, élégante de toute sa personne. Debout sur sa colline, à l'ombre d'un des pins superbes qui étendait au-dessus de sa tête quelques branches sombres, tandis que toutes les riches couleurs du couchant l'enveloppaient d'ailleurs, Umilta ressemblait à une figure du Titien. C'était jour de fête. Elle portait des perles au cou, deux épingles de corail retenaient les masses brillantes de sa chevelure. Un mouchoir de soie filé d'un jaune pâle se croisait sur son opulente poitrine et faisait ressortir par le contraste le ton de sa peau, un teint de pêche dorée au soleil. Elle avait au corsage une touffe de chèvrefeuille. Son enfant, un vrai petit Saint-Jean, se roulait à ses pieds, les mains pleines de cerises, ses boucles ébouriffées pleines de rayons. « Eh, dit une femme basanée auprès de moi, eh, c'est Umilta, dire qu'on l'a trouvée sur le pavé des rues et qu'elle a été en prison. N'oublieras-tu donc jamais cela ? Interrompit un homme en la secouant. Les femmes ne veulent point permettre au passé d'être le passé, reprit-il en s'adressant à moi. Peu importe du reste, tout le monde sait ce qu'il en est. La grosse cloche de Mosciano sonna dans son beffroi ouvert au fond du creux où se blottit le village. La superbe créature, avec son bouquet de chèvrefeuilles, descendit à travers les pins pour se rendre à la messe, l'enfant roulant après elle à la façon des jeunes chiens et laissant échapper ses cerises une à une. Elle l'enleva de terre pour le porter, et il accrocha un bouquet de cerises à l'une des épingles qui retenaient les tresses maternelles. Le rire du bambin avait de joyeux échos dans le paysage ensoleillé. Bientôt, je les perdis de vue tous les deux parmi les aigrettes violâtres de la bruyère. « C'est la plus belle femme du pays, » me dit le bûcheron, « et voilà pourquoi aucune femme n'oublie qu'elle a été en prison. Vous vous demandez cette histoire ? Oh, je ne suis pas fort pour en raconter. Le prêtre vous dira la chose mieux que moi. » Mais ce ne fut pas par le prêtre que je sus l'histoire d'Umilta, ce fut de sa propre bouche et de celle de quelqu'un qui l'aimait. Par une matinée d'été, à l'aube, l'un des gardiens de la ville, là-bas, à Florence, avait trouvé sur les marches d'une église un enfant nouveau-né. L'enfant alla aux innocents, puisque personne ne le réclamait et que rien n'indiquait qu'il eût une famille. Aux innocents, il fut élevé avec bien d'autres petits abandonnés, et on lui donna le nom de la Sainte Humilité comme celui qui pouvait le mieux convenir à sa triste condition. N'étant nécessaire au bonheur de personne, Umilta poussa et fleurit à vue d'œil sans accident, comme une belle plante. Jamais ses vieux murs n'avaient enfermé d'enfant plus adorable. Elle était robuste, pleine de santé, de vigueur, affectueuse avec cela, intelligente, mais volontaire aussi et très souvent réprimandée. À 14 ans, elle avait l'air d'une femme où il s'en fallait de peu. On la trouva bien assez grande pour gagner sa vie, et elle fut placée comme servante dans la montagne chez le prêtre de Mosciano. Umilta, qui, dans ses promenades, à pas compter avec les innocents, n'avait jamais dépassé les rues qui entourent l'asile, clignait des paupières comme un oiseau de nuit que la lumière aveugle, tandis qu'on la conduisait le long de cette grande route escarpée entre deux marches de vignobles, d'oliviers et de froment, puis, lorsqu'on la vit descendre au milieu des éblouissantes clartés du couchant dans un endroit où elle se vit entourée de vallées profondes, de montagnes et de nuages. « Est-ce le ciel ? » dit-elle tout bas, stupéfaite et presque intimidée, elle, si hardie d'ordinaire. Les gens éclatèrent de rire. Personne ne sut lui expliquer que la paix délicieuse qui règne dans le pays est la seule ressemblance qu'il offre avec le ciel, et encore pour ceux-là seulement qui savent comprendre ce qu'une telle paix a de divin. Umilta avait entendu parler du paradis, tandis qu'agenouillée sur les dalles d'une chapelle obscure, elle écoutait la voix monotone des prédicateurs remplir le silence comme un gros bourdonnement d'abeilles, mais on lui avait toujours dit qu'elle ne pouvait espérer d'y entrer jamais, étant pour cela trop méchante. Quand elle s'endormit cette nuit-là sur un petit lit à roulettes dans le pigeonnier, Umilta persistait à se croire dans le ciel, bien que tout le bâtiment où elle logeait fût rempli de la mauvaise odeur des vers à soie. On était en plein mois de mai. Le ciel pur étincelait partout d'étoiles. Il n'y avait guère de touffe de bruyère qui ne recelât un rossignol. L'enfant, qui n'avait jamais eu en face d'elle qu'un mur blanchi à la chaux, qui n'avait jamais entendu d'autre chant du soir qu'un paternoster, ne pouvait donc douter que les saints ne l'eussent prise, quelque méchante qu'elle fût. Dès cet instant, Umilta s'attacha tendrement aux collines boisées de Mosciano. Jusque-là, elle n'avait rien aimé, sauf une petite souris qu'on lui avait défendu de garder et qui fut noyée sous ses yeux dans un seau d'eau, ce qui la fit crier et sangloter et entrer dans une telle colère qu'elle attaqua la religieuse surveillante des dents et des griffes comme un animal enragé, rébellion qui lui valut d'être tenue en cellule pendant 3 longs mois et plus en vue de chasser le mauvais esprit de son âme. Il n'y avait guère qu'une année qu'elle habitait la maison du bon prêtre quand celui-ci mourut. Sa famille se dispersa. Une femme de fermier qui vivait sur la colline et qui connaissait la jeune fille, sa propreté, sa force, son entente naturelle de la volaille et des bestiaux, lui offrit un gîte en échange de ses services. Umilta consentit volontiers à entrer chez la grosse signora Rosa. Tout ce qu'elle voulait, c'était de ne pas quitter le pays. Dans cette demeure hospitalière, elle grandit encore et devint femme tout de bon. Donna Rosa était une honnête et excellente personne, très laborieuse, très dévote de la dévotion naïve du vieux temps. Elle avait bien élevé ses filles et ses fils, qui l'aimaient en la craignant, car malgré son bon cœur, elle était impérieuse et dominatrice. Jamais son mari n'avait songé à manifester une volonté. Il vendait les génisses et battait le blé, s'en allant à l'ouvrage, sa bêche sur l'épaule, comme un simple laboureur, quand elle lui en donnait l'ordre. La soupe était-elle maigre, la polenta froide, il n'avait garde de se plaindre. où Milta ne ployait pas aisément sous un tel joug. Plus d'une fois, il y eut choc entre son humeur opiniâtre et cette volonté bien arrêtée. Chacun s'accordait à dire qu'Omilta avait de nombreux défauts et n'était pas bonne à grand-chose. Or, la voix de la majorité étant considérée comme celle de la vérité même, la jeune servante n'était pas en faveur auprès des voisins. Ceux qui faisaient cas d'elle n'osaient le dire ou ne songeaient pas à la défendre. Pour faire partie d'une minorité, il faut du courage moral ou de la vanité tout intellectuelle. Or, ni l'une ni l'autre de ces qualités n'avait cours au Pianicherry. Qu'elle fût adroite et qu'elle pût, quand elle le voulait, faire plus en 2 heures que le reste des jeunes filles en 6, nul ne pouvait le nier. Mais elle voulait si rarement que ce mérite passait presque inaperçu. Elle savait filer à merveille et tresser la paille, sans avoir besoin seulement de regarder sa tresse. Elle connaissait la vertu de toutes les herbes, de tous les simples, et aussi les soins qu'exige le bétail. À quoi bon, puisque son temps se passait d'ordinaire dans la contemplation oisive d'elle-même. Omilta n'aimait rien tant que se mirer, se complaisant dans sa belle figure, nattant les luisantes épaisseurs de ses cheveux et se racontant sur son propre compte des histoires prodigieuses, car elle avait le malheur de se croire appelée à une destinée bien différente de celle dont il lui avait fallu jusque-là se contenter. Omilta, en un mot, était orgueilleuse et mécontente. Ces qualités-là ne sont aimables nulle part, bien qu'on puisse se demander si elles n'ont pas contribué puissamment à produire les héroïsmes et les martyrs de ce monde. Mais elles sont particulièrement abhorrées dans un village dont tous les habitants sont censés se valoir, et où la vie se borne à ensemencer et à moissonner, à planter et à abattre, à faire de l'huile et à vanner le blé, sans que l'on ait jamais soupçonné qu'elle comportât autre chose. D'ailleurs, Omilta était trop bien douée par la nature pour que les personnes de son sexe puissent la juger sans prévention. Elle possédait cette grâce classique qui vous fait marcher comme une reine, pour nous servir de l'expression de ces bonnes âmes ignorantes, lesquelles, n'ayant jamais vu de reine dans la réalité, devaient garder leurs illusions. Omilta, debout, pieds nus sur le blé jaunissant de l'air à battre, ou parmi les hautes bruyères lilas de la colline, était une royale nature dans le sens le plus complet de cette majestueuse épithète. Elle avait soin de sa personne en outre, observant une propreté si rare dans le pays qu'elle devait être la marque d'un orgueil extraordinaire, et le peu d'argent qu'elle gagnait passait en ornements de toilette, choisis avec un goût très sûr qui la faisait tenir en mépris les mouchoirs aux couleurs criardes et les étoffes à fleurs préférées par ses compagnes. Omilta portait toujours à son fichu, l'été, une touffe d'œillets écarlates, et l'hiver même, quand elle ne pouvait trouver rien de plus rare, quelques fleurs de genêt, ce qui ne contribuait pas médiocrement à irriter les voisins, parce que personne là-bas n'aime les fleurs, sauf les étrangers et les imbéciles. C'était seulement pour faire ressortir la blancheur de sa peau qui ne mordait jamais le hâle. En somme, il était naturel qu'Omilta n'inspirât pas d'affection dans son entourage. Assurément, parmi la jeunesse masculine, quelques hommes, ravis de sa beauté, n'eussent pas demandé mieux que de l'aimer d'amour. Mais elle était si hautaine et si dure avec eux, elle trouvait des répliques si vives pour repousser leur douceur, qu'ils battaient en retraite, tout honteux, et s'en allaient chercher des oreilles plus complaisantes. « Comme si je pouvais épouser un de ceux-là !» se disait Omilta dans son âme superbe, et elle poussait ses chèvres parmi les pins en fixant sur la montagne un regard rêveur qui entrevoyait toutes sortes de formes vagues où elle figurait, coiffée d'une couronne d'or, avec des multitudes agenouillées devant elle. Oh, si elle avait pu seulement savoir qui elle était, si elle l'avait pu. Durant les joyeuses veillées où l'on épluche le maïs, où l'on écale les noix, les soirs de battage, de vendanges, alors que les autres fillettes riaient, jasaient, écoutaient, l'œil arrondi par une attention profonde, quelques contes du vieux temps, ou bien accompagnaient en chœur quelques chansons qu'un galant grattait sur sa guitare, Omilta se tenait seule dans un coin, rêvant, rêvant toujours de la couronne d'or, toujours des peuples à genoux. Elle aimait autant emporter sa part de besogne au grenier. Ouvrant son volet de bois, elle égrenait le maïs, elle écalait les noix au clair de la lune, et tantôt son regard pensif plongeait dans la vallée sombre et silencieuse, tantôt il se levait vers les montagnes argentées qui touchaient aux nuages. quand les accords amoureux de la guitare parvenaient d'en bas jusqu'à elle, son sourcil se fronçait, elle se sentait triste et irritée, son lot ici-bas lui pesait. Il n'y a pas de fièvre dans la vie qui soit pire que celle-là. Une nuit qu'elle était assise ainsi à écosser des pois, car on était au cœur de l'été, et la charrette partait pour le marché vers le coup de minuit, ayant à faire beaucoup de chemin, Oumilta entendit soudain de bruyantes et joyeuses clameurs qui interrompirent les chansons et le babil général dans la cour au-dessous d'elle. Les femmes riaient et criaient à l'envi, et la voix de la bonne signora Rosa couvrait tous les autres d'un mot sans cesse répété « Mon fils, mon fils, mon fils !» Virginio serait-il revenu à la fin ? Se demanda Oumilta en continuant à faire craquer les causses des pois sous son pouce. Elle n'eut pas même la curiosité de regarder par sa lucarne. Virginio ne pouvait intéresser que sa propre famille. Il ne lui était rien. L'orgueilleuse acheva donc sa tâche sans se laisser émouvoir par tout le tumulte cordial et joyeux de cette bienvenue, pas plus que les génisses qui ruminaient dans les tables et que les poules endormies sur leur perchoir. Quand elle eut fini, elle jeta les épluchures par un trou du plancher dans la mangeoire des bâches au-dessous d'elle, versa les pois écossais dans une grande mesure et resta contemplative devant la lune qui brillait parmi les nuages légers, baignant de sa blancheur la cime des bois de pin. En bas, dans la vallée, les cloches sonnaient, car la fête du saint patron avait lieu le lendemain. La voix du rossignol sortait de la feuillée. Toujours assise, Oumilta rêvait. Une heure au moins se passa ainsi. Un appel perçant de Donna Rosa la rappela enfin à elle-même. « Oumilta, Oumilta, descends vite. Es-tu donc toujours au grenier ?» Oumilta prit sa mesure de poids et descendit l'échelle en silence. La porte qui se trouvait au pied de cette échelle du grenier ouvrait droit dans la cuisine, une grande pièce, mal éclairée par quelques mèches qui flottaient dans l'huile au milieu de leur récipient de cuivre. Néanmoins, la lumière l'éblouit au sortir des ténèbres du grenier à foin. Toute cette vaste cuisine était pleine de monde. On était assourdi par le tapage que faisaient en questionnant, en s'écriant, les voisins rassemblés, et au milieu de tant de bruit se tenait celui qui en était la cause, un grand garçon de 27 ans, au teint brun et pâle, dont la belle figure était ombragée à demi par les lourdes plumes retombant de son chapeau de bersaglière, car il appartenait à ce corps fameux dont il portait l'uniforme. « Oumilta ! » cria Donna Rosa, étranglée par l'orgueil et par la joie. « Viens donc, avance donc. Nous sommes comme des fous ce soir. Voici mon fils revenu, mon Virginio est revenu, et caporal encore, y penses-tu, caporal ?» Oumilta regarda froidement, de son air farouche, entre ses longs cils soyeux, le fils aîné de la fermière, et lui souhaita une bienvenue glaciale, à laquelle le Bersagliere répondit courtoisement en balayant le plancher de son immense plumet. « Quelle princesse déguisée avez-vous donc chez vous, ma mère ? » demanda-t-il un peu plus tard. Il avait murmuré tout bas ces paroles. Oumilta les entendit, et ses grands yeux bruns, étincelants comme deux étoiles, perdirent leur expression boudeuse. Ce soldat, du moins, avait le sens commun. Virginio Donaldi était un très bel homme, mince mais robuste, plein de sang-froid, d'audace et d'intelligence. Aussi ses chefs faisaient-ils grand cas de lui. Il était depuis 7 ans dans l'armée et avait séjourné tout le temps dans certaines parties périlleuses de l'Italie méridionale, aux prises avec une rude besogne de montagne quand il ne brossait pas les brigands. Il était entré à Rome l'un des premiers en 1870. Une double blessure de sabre et d'arme à feu lui avait fait comprendre ce que c'est que le service. De caractère, il était grave et doux, bien que sa conduite marquât souvent une extrême impétuosité. Il y avait 4 ans que Virginio n'avait vu sa famille, et maintenant il arrivait à l'improviste avec un congé d'un mois. Naturellement, ce brave soldat était le héros de sa colline natale et le joyau du cœur de Dame Rosa. Un bersagliere dans ses campagnes, un homme qui avait forcé la cité sainte était revenu vivant néanmoins, un homme qui avait passé la mer pour aller jusqu'en Sardaigne et en Sicile, qui avait risqué 500 fois sa vie. Jugez donc, on n'avait jamais rien vu de pareil à Mosciano. La nouvelle courut comme une traînée de poudre, et les trois quarts du village envahirent la ferme par pure amitié sans doute, et aussi parce que chacun se rappelait que les repas de fête chez la signora Rosa étaient toujours parfaits. Mais il était trop tard pour servir ce soir-là un souper considérable. L'heureuse mère dut se borner à déboucher son meilleur vin pour arroser ce fromage de chèvre qui est toujours prêt. Un chaudron de soupe bouillait avec cela. On sut s'en contenter. Tout fut bonne humeur, vacarme et gaieté dans la ferme. Le seul qui ne fit pas grand bruit était le bersaglière lui-même. Quant à Umilta, elle alla froidement à préparer ce qu'il fallait. Après quoi, elle se glissa dehors sans que personne s'en aperçût, croyait-elle, et regagna son grenier. La promenade paisible de la lune au-dessus des vallées silencieuses lui plaisait mille fois plus que le tapage vulgaire de la cuisine. Une princesse déguisée, répétait-elle en souriant un peu. Aucune autre parole n'aurait pu être plus douce à son oreille. Elle ne savait pas très bien ce que c'était qu'une princesse. Mais enfin, une princesse vivait dans un palais. Umilta avait appris à lire, et le colporteur qui faisait sa tournée, suivi d'un âne et d'une charrette, offrant ses toiles ou ses lainages selon la saison, avec un assortiment d'aiguilles, d'épingles, de mouchoirs, de colliers et d'images de sainteté, avait parfois dans son coffre des romans à bon marché qu'elle lui achetait pour les lire. Seul entre tous, le jeune soldat la chercha des yeux et sentit qu'elle lui manquait. Il avait vu beaucoup de belles femmes dans le midi, mais aucune ne l'avait frappé autant que cette servante de sa mère. « Où est donc allée la fille aux cheveux d'or qui était là tout à l'heure ? » demanda-t-il. La signora Rosa regarda elle aussi autour de la table. « Umilta, n'est-elle pas ici ?»« Oh, je reconnais bien sa maussaderie ordinaire, que la peste l'étouffe. Elle s'est remontée à son grenier, je suppose. »« Comment ? Elle demeure au grenier ?» s'écria Virginio. « Pourquoi pas ? C'est un lieu tout aussi sain qu'un autre. »« Mais qui est-elle ? D'où sort-elle ? Je ne l'avais jamais vue jusqu'ici quand je venais à la maison. »« Non ? » Elle est arrivée justement après ton dernier voyage, mon chéri. Elle avait été envoyée alors au Rossi, de l'hospice des Innocents, et quand ses premiers maîtres sont morts, je l'ai prise par charité. Une enfant trouvée alors ? Oui, une enfant trouvée, sortie de bien bas sans doute, et orgueilleuse comme Lucifer, que tous les saints aient pitié de nous. C'est une créature bien désagréable. Mais cela porte bonheur d'avoir de ces malheureux-là chez soi, et puis elle s'entend si bien soigner le bétail, la volaille. Oh, il faut lui accorder cela. Elle aime les choses muettes plus que nous autres. « C'est curieux, » dit Virginio en vidant son gobelet d'un air rêveur. Il adorait sa mère, mais elle n'avait pas oublié cependant, en ses voyages, qu'elle avait la langue acérée, la main lourde, un caractère difficile. Il lui semblait donc que pour une fille si fière, le service de la signora ne pouvait être précisément comparé à un lit de rose. Croyez-vous qu'elle redescendra ? Demanda-t-il au hasard. Il éprouvait le désir très vif de revoir encore cette figure si belle et si hautaine. Ses sœurs secouèrent la tête négativement. Mais, pour lui être agréable, elles allèrent au pied de l'échelle appeler Umilta. Celle-ci ne dormait pas et les entendit bien. Cependant, elle se garda de répondre. Netta Sari était présente, et elle parut dépitée. Netta passait pour une jolie fille. Bien faite, elle avait des yeux bleus très vifs et la tête couronnée d'une tresse de beaux cheveux roux foncés. Bien qu'elle eût à peine atteint sa 15e année, lorsque Virginio Donaldi était parti la dernière fois, elle avait depuis lors beaucoup pensé à lui. Elle l'avait impatiemment attendu. Les filles de 15 ans sont des femmes au pays où l'olive mûrit avec le raisin. Et ce beau soldat avait dansé avec elle une fois de trop pour son repos dans les fêtes rustiques, auxquelles la vendange sert de prétexte. Depuis lors, les petits Donaldi la taquinaient toujours au sujet de leur frère, lui soufflant sans cesse à l'oreille « Quand Virginio sera revenu ?» Et maintenant, Virginio était revenu, mais pour ne penser qu'à la trouva-t-elle là. Netta, qui ne s'était pas mariée pour l'amour de lui et aussi parce qu'elle souhaitait d'épouser quelque chose de mieux qu'un paysan, se sentait dédaignée. Son cœur devint bien lourd dans sa poitrine, tandis qu'elle tordait silencieusement entre ses doigts son collier de perles, les plus grosses et les plus belles perles qu'une fille de sa condition pût se vanter de posséder dans toute la contrée. Cependant, Umilta, sur son étroite couchette, ne pouvait fermer l'œil grâce au vacarme du souper. Elle suivait d'un œil à l'anguille le vol noir des chauves-souris devant sa fenêtre et cherchait à se représenter le roi qui viendrait la chercher dans un carrosse d'or. Pourquoi pas? Elle avait lu des choses semblables. À 4 heures, Oumilta fut éveillée par les pigeons qui dehors battaient l'air de leurs ailes et par les vaches qui mugissaient dans l'étable au-dessous d'elle. L'aube rougissait le ciel. Aux premières lueurs argentées du jour, elle descendit s'occuper des bestiaux. La signora Rosa elle-même n'était pas levée pour la gronder, mais quand elle ouvrit la porte de l'étable et y fit entrer la lumière, le premier objet qui frappa ses yeux fut Virginio Donaldi, debout sur le seuil. « Bonjour, signorina Oumilta, » dit-il en retirant son bonnet de sa tête et son cigare de sa bouche. Le cœur d'Oumilta battit un peu plus fort que de coutume. Personne ne l'avait encore appelée signorina. Cependant, elle s'en tint à répondre d'un signe de tête très sec et lui tourna le dos pour baquer au déjeuner de ses chèvres. « Ne puis-je vous aider ?» demanda Virginio. « Je n'ai pas besoin d'aide, » répondit Oumilta, toujours revêche. Virginio, indifférent à ses rebuffades, se mit à retourner la litière avec une fourche. Elle ne le remercia point. « Est-ce que cela vous fâche ? » dit-il en s'arrêtant. « Vous pouvez faire ce qui vous plaît. Vous êtes le fils aîné, » répondit-elle avec un haussement d'épaule indifférent. Il sourit et continua de jeter des bruyères fraîches sous les pieds des bestiaux. « Je n'ai pas oublié les travaux de chez nous, » disait-il en même temps, « et je serais bien aise de leur revenir tout de bon. » Oumilta lui lança un regard furtif sous ses cils recourbés. Ce regard disait que, si elle eût pu être un beau soldat et courir le monde, elle se serait bien gardée de revenir au foyer pour n'être qu'un paysan. Mais elle savait que tous, ou presque tous, agissaient ainsi, et elle ne se souciait pas de lier conversation avec Virginio Donaldi hors de la présence de sa mère et de ses sœurs. Assise sur un escabeau, elle se mit à traire ses 3 vaches en silence, sans tourner une seule fois la tête de son côté. Après quoi, elle mesura le lait et le versa dans des pots qu'elle remit au gamin chargé de porter cette marchandise en ville et qui, bâillant et grommelant, venait d'apparaître avec sa mule attelée à une vieille charrette vermoulue. Puis elle prit sa faucille, jeta une corbeille sur son épaule et s'en alla faire de l'herbe, car en la saison d'été, les pauvres bestiaux de ces parages ne sortent jamais. On craint trop qu'ils ne broutent le blé avant sa maturité ou qu'ils ne grignotent les grappes encore vertes. Les mois de grande chaleur se succèdent, le pays tout entier n'est que fleurs et feuillages, et ces pauvres souverains dépossédés d'un sol si fertile restent, plantés sur leurs 4 pieds, dans des stalles sombres où ils étouffent, à décharger en longs mugissements la tristesse et l'ennui de leur cœur. Oumilta faisait de son mieux pour adoucir la captivité de ces bêtes en leur apportant tout ce qu'elles pouvaient dérober aux champs. L'herbe la plus savoureuse, les roseaux pleins de sève, les vrilles du liseron et d'autres plantes grimpantes. Virginio Donaldi l'observait au milieu des rougeurs du jour naissant, sa faucille à la main, sa corbeille sur l'épaule. Il n'était ni sot ni grossier. Pour rien au monde, il ne l'eût suivi malgré elle. Mais il sentait que le soleil, en caressant la montagne de ses rayons de feu, ne rencontrerait rien de plus beau que cette fille silencieuse. Une lumière rosée, de plus en plus chaude, remplissait la vallée. Les collines restaient encore sombres. Oumilta sortait de la lumière pour s'enfoncer dans l'obscurité. Il la perdait de vue alors. Les bêtes mugissaient après elle. C'est leur manière de soupirer. « Je serai bientôt de retour, mes mignonnes. Soyez tranquilles, mes trésors. Je vais revenir, » leur criait-elle de loin, d'une voix tendre et douce. « Elle a certainement du cœur, » pensait Virginio, mais ce cœur, qui donc saurait y atteindre ? 4 ou 5 fois de suite, elle descendait le flanc de la colline et vidait sa corbeille dans les râteliers pour retourner ensuite la remplir de nouveau, et chaque fois, elle trouvait le bersaglieré assis à fumer devant la porte de l'étable. Il touchait son bonnet quand elle passait près de lui, c'était tout. À 7 heures, toute la famille était en mouvement. La signora Rosa commençant à moudre le café en l'honneur du retour de son fils chéri. Le café est la boisson des jours de fête, de funérailles et autres solennités. Le soleil alors dépassait l'horizon. Les merveilleuses teintes rosées commençaient à s'effacer. La prose du jour avait succédé à la poésie de l'aurore. La vie est active dans une ferme comme celle de la signora Rosa, et du matin au soir, on ne manque pas d'occupation. Enfants et vieillards, tout le monde travaille, et les femmes plus fort que les hommes. Cette terre, vraiment cuite par le soleil, a sans cesse besoin d'être retournée. On n'en a jamais fini avec elle. À midi, chacun grignote son morceau de pain noir. Le crépuscule venu, on se réunit autour de la soupe aux herbes. Telle est la vie de ces braves gens, très remplis, très laborieuses, sans beaucoup de loisirs, mais enfin, on trouve toujours le temps de rire, d'égratigner un air de guitare, de chanter en chœur. Et la jeunesse danse, tandis que les vieux causent entre eux. Le plus beau ciel du monde s'étend au-dessus de ses devoirs simples et de ses humbles plaisirs. L'air embaume autour d'eux comme le cœur même d'une rose. C'est une vie qui mérite qu'on l'aime en dépit des privations. Pour Virginia Donaldi, c'était la meilleure de toutes les vies. Le Toscan reste toujours attaché au sol qu'il a vu naître. Il s'en ira dans le monde, il sera bon soldat soumis et patient, mais, tout en vaquant à son service, il reste par la pensée dans le petit village, soit de la plaine, soit de la montagne, où il a, pour la première fois, ouvert les yeux. Les honneurs pourront venir à lui, les belles promesses d'avancement pourront le tenter. Il sait qu'en restant au loin, il s'élèvera de plus en plus, n'importe. Aussitôt libre, il jettera son sabre pour retourner à la charrue qui l'attend dans ses sillons, où les tulipes d'or poussent pêle-mêle avec le blé. La vie d'autrefois lui demeure toujours chère. Il la préfère au gain, à la gloire, si ses biens doivent lui être prodigués hors de chez lui. Il languirait loin de son toit de tuiles rouges, loin de la haute tour de sa petite église brunie par le temps, loin de ses champs enguirlandés de vignes, loin de ses bœufs blancs aux yeux méditatifs, loin de tout ce qu'il a laissé derrière lui dans quelque solitude embaumée où sa mère file assise sous le porche, où le petit ruisseau babillard passe en courant devant la maison, tout bleu de violette ou tout jaune de Kélidouane selon la saison. Ce sont là des choses auxquelles le jeune soldat toscan aspire toujours, des choses qu'il voit dans son sommeil, comme un mourant à des rêves du ciel. Il y a de plus mauvaises passions que celles-là. L'esprit de clocher est tourné en dérision de nos jours, mais on peut douter que le siècle qui s'en moque ait rien d'aussi sincère et d'aussi fidèle à mettre à la place. C'est un sentiment paisible qui porte en lui un germe héroïque. Menacé, il produit le patriotisme, ce patriotisme dont Guillaume Tell est le symbole. Virginio Donaldi était un vrai fils de Toscane. Ses officiers s'étaient efforcés de le décider à faire sa carrière du métier de soldat. Après les 3 années de service obligatoire, il s'était laissé retenir et versut toutes les distinctions qu'il était possible d'accorder à un homme de son âge. Vraiment, ses débuts avaient été si heureux qu'il n'était point de rang dans l'avenir auquel il ne put espérer d'atteindre. Mais tout cela l'avait fatigué à la longue. Il ne demandait plus que ses forêts de pain, il en avait faim et soif, et maintenant sa résolution était prise. À la fin du second terme de 3 ans, il quitterait l'uniforme et reviendrait au vieux foyer qui, selon l'usage du pays, devait lui appartenir quand son père ne serait plus. Sentir de nouveau la bruyère contre ses genoux, le vent de montagne sur son visage, et ses bras libres dans des manches de chemise, lui semblait plus enviable que tout l'or qui couvre l'uniforme des serviteurs du roi. Quoiqu'il passât aux yeux des voisins pour un héros en sa qualité de soldat décoré, il reprit sans effort ses anciennes habitudes. Le matin, il vaquait au travail de la ferme, sans écouter ceux qui voulaient l'en empêcher. La récompense de ce travail était un contact perpétuel avec Umilta, et le beau visage grave, dédaigneux, hautain de la jeune servante lui semblait éclairer le monde à la façon du soleil. Ici, l'amour naît en un clin d'œil. Le mois de juin était venu, la moisson commençait par un temps radieux, le haut froment avait des teintes bistrées, les branches vertes de l'érable enlacées au feuillage de la vigne grimpante abritaient les moissonneurs. À leur défaut, ceux-ci trouvaient l'ombre d'argent des oliviers. Les champs de blé escaladaient la colline, se déroulaient dans la vallée, rapides et charmants, avec les brillants ruisselets d'eau vive qui jaillissaient entre eux. Virginio ne songeait pas à Ruth parce qu'il n'avait jamais entendu parler d'elle, tous ses récits de l'écriture étant inconnus au pays où teinte l'Angélus. Mais il est certain qu'Omilta aurait été la plus belle des rues pour un peintre qui l'eût entrevue dans ses blonds bondissants émaillés de coquelicots d'écarlate, travaillant avec ardeur de la faucille, sans regarder l'amoureux qui aurait partagé sa besogne et l'aurait rendue plus légère si elle l'eût permis. Mais Omilta ne permettait rien. Elle se piquait d'être forte et d'exceller dans tout ce qui lui plaisait d'entreprendre. Tandis que sa main sciait les gerbes, son cerveau continuait à tisser des rêves d'or. Quand le char du roi viendrait-il la prendre? Et que diraient les gens quand on la verrait sous ses robes traînantes, une couronne au front? Dans les livres du colporteur, toutes les reines vivantes ou mortes portaient des couronnes. De méchantes gravures sur bois les représentaient ainsi. Elle savait à merveille quelle figure elle ferait. Elle serait elle-même, voilà tout. Netta Sari, qui était venue aider, comme font toutes les filles et tous les garçons du voisinage en pareille occasion, la regardait et la détestait plus que jamais, en voyant que la faucille de Virginio s'évertuait si près de la sienne et que le bersagliere se couchait à ses pieds quand, à l'heure ardente de midi, on se reposait sous les érables et que le vin circulait à la ronde. Non pas qu'Omilta fit plus attention à lui qu'au mulot qui fuyait dans les guérets ou au grillon qui chantait dans les chaumes. Elle acceptait toutes ses attentions avec une négligence qui exaspérait Netta au moins autant que lui-même. « Et c'est l'écume des rues !» pensait la petite rousse avec amertume, tandis qu'Omilta, assise dans la posture de la liseuse du guide, regardait les lézards verts courir parmi le blé, en repoussant d'une main les masses ambrées de ses cheveux, sans répondre aux regards éloquents du jeune homme, sans paraître même s'en apercevoir. Au fond de l'âme, cependant, Omilta jouissait de son triomphe. Les jeunes filles peuvent être cruelles les unes envers les autres. Plus d'une fois, les sœurs de Virginio s'étaient étudiées à blesser la fierté de la Trovatella avec une malice ingénieuse, plus difficile à supporter que les pires emportements de la signora Rosa. Maintenant, elles s'amusaient du dépit inutile que leur inspirait la conduite de leur frère le héros, des vains efforts qu'elles faisaient pour l'attirer vers Netta. Elles riaient tout bas lorsque Virginio s'acharnait à la poursuivre en esquivant les coquetteries de l'héritière des Sari. Mais jamais ce sourire ne s'adressa au pauvre Virginio. C'était le triomphe qui plaisait à Omilta, non pas celui qui le lui procurait. La nuit venue, quand tous étaient réunis à rire et à chanter dans le courtil, sous le ciel plein d'étoiles, elle remontait à son grenier et en barrait la porte. De là, elle entendait tout ce qu'on disait. Au bout d'un temps, les voix cessaient de bourdonner, les chansons étaient interrompues, et l'on demandait à Virginio de raconter ses aventures. D'abord, il se faisait prier, il fumait en silence, il était taciturne et fatigué. Puis, enfin, se décidant, il parlait. Omilta ne savait pas qu'en levant les yeux, il avait vu la fenêtre du grenier ouverte et qu'un rayon de lune égaré lui avait montré l'ombre de son profil sur le mur. Mais la voix du conteur montait vers elle du sein des ténèbres et elle ne pouvait s'empêcher d'écouter. Cela valait mieux que les historiettes du colporteur. Il parlait de toutes sortes de choses qu'il avait faites et qu'il avait vues, s'animant à mesure que les souvenirs lui revenaient en foule. Il parlait de la chasse aux brigands dans les forêts de chêne-liège de la Sicile et de la Sardaigne, des combats corps à corps dans les places fortes de la montagne, des grâces sauvages et des costumes fantastiques des îles, et des femmes de ces pays-là, des nuits en mer, sur cette mer qu'aucun d'eux n'avait jamais vue, et d'un naufrage qu'il avait essuyé, et des flottes de pêcheurs de corail, et de la vie des mineurs de cuivre, et des bosquets de palmiers, et du fruit des cactus, et des bivouacs sur les rivages parfumés de la Méditerranée. À la fin, il parla de l'entrée à Rome, quand, au bruit de la trompette des bersaglieri, les portes éternelles s'étaient ouvertes. Omilta écoutait, assise, la tête penchée, reposant sur ses mains. La voix de Virginio montait de l'obscurité. Elle ne pouvait rien voir, elle entendait seulement, elle écoutait, émerveillée. L'art de bien raconter est commun parmi les compatriotes de Virginio, et il était doué d'une voix mélodieuse en même temps que du talent instinctif qui consiste à faire ressortir les points saisissants d'un récit. Tous ses auditeurs restaient donc sous le charme, suspendus à ses lèvres, mais le plus attentif était l'auditeur invisible du grenier. La lune voguait de plus en plus haut dans le ciel. Les étoiles s'étaient toutes allumées, le rossignol chantait toujours, la nuit avançait. Quand la voix s'éteignit dans le silence, Humilta s'éveilla comme d'un rêve. Il était minuit. Elle ferma son petit volet de bois à la hâte, espérant qu'il n'avait pas remarqué qu'elle le laissait ouvert. Elle se trompait. Virginio l'avait aperçue à la lueur du rayon égaré. Son éloquence naturelle s'en était accrue. Tout le long du jour suivant et tous les autres jours, Virginio s'attacha au pas de la servante de sa mère. Que la mère gronda, peu lui importait. Il était son propre maître et agissait à sa guise. L'amour mûrit aussi vite qu'un fruit sur un mur sous ce soleil d'Italie. Quand Humilta reposait dans son grenier, elle entendait une voix moelleuse chanter au-dessous d'elle des airs amoureux sur la mandoline, dans la nuit, et elle savait fort bien que c'était Virginio qui chantait et que tout son cœur s'exhalait dans cette plainte qui d'ailleurs ne la touchait guère. Ce n'était qu'un soldat qui le lendemain redeviendrait un simple cultivateur. Elle attendait son char triomphal et sa couronne. Elle fermait donc son volet comme pour congédier à la fois et la chanson et le clair de lune. Le soir du septième jour, Virginio étant seul avec elle pour un instant dans la vacherie, au milieu des roseaux coupés et des meules d'herbe fraîche, lui dit « je t'aime, tu es l'âme de mon âme ». En même temps, il essayait de s'emparer de ses mains par-dessus un grand tas odorant de fleurs à demi flétries. « Je t'aime, Gesù Maiuta. Ne peux-tu m'écouter et m'aimer un peu en échange ?» Le sourcil d'Humilta se contracta sur son œil sombre, et elle éclata d'un rire cruel. Elle le regardait bien en face, sans changer de couleur, avec un dédain méchant. « Allez donc dire ces choses-là aux filles de Turin. Peut-être feront-elles plus de cas que moi de pareilles sottises. » « Des sottises? Mais je te dis que c'est ma vie que je t'offre. Écoute, tu es pour moi comme le soleil, comme les étoiles, comme la lumière, comme la gloire des saints. » Et appuyé aux meules d'herbe et de roseaux, il épuisa toute l'éloquence que le double éperon de la passion et de la douleur peut prêter aux amants. Puis entre eux s'établit un silence, rompu seulement par le bruit que faisait la mâchoire des vaches en broyant l'herbe. Mais quoi qu'il pût dire, le visage de Milta ne changeait pas d'expression. Elle pâlit un peu et prit l'air plus froid encore, voilà tout. « Je ne suis que la bâchère de votre maison, » dit-elle enfin avec un frémissement de sa bouche superbe. « Mais malgré cela, je suis trop fière pour vous. Allez-vous-en, je vous hais. »« Me haïr ?» répéta-t-il abasourdi. Qu'avait-il fait pour lui inspirer de la haine ? Mais elle ne répondit même pas. Elle plongea sa fourche dans le fourrage et donna une triple ration à ses amis emprisonnés. La voix aiguë de Donna Rosa l'appela hors de l'étable. Le moment critique était passé. Il n'était plus seul. Tout le monde, quelques instants après, étant réuni dans la cuisine, le crépuscule produit par la lampe pâlissante permit de remarquer que Virginio, en passant auprès d'Humilta, se courbait pour murmurer quelque chose à son oreille. « C'est ton dernier mot ?» Humilta fit un signe affirmatif. Elle avait l'air tout à la fois dédaigneux, irrité, farouche et indifférent. En son cœur, néanmoins, elle triomphait. Il était le fils de Donna Rosa et elle le repoussait. Elle ne voulait point de lui. Quant à de la pitié, elle n'en éprouvait pas l'ombre. Le matin suivant, elle apprit que Virginio, parti au milieu de la nuit, avait été prendre le premier train pour Turin. Sa mère sanglotait, courroucée. Il lui avait dit que son colonel le sommait en toute hâte de rejoindre le régiment. « Juste au moment où j'ai tué l'agneau pour le régaler !» gémissait Donna Rosa. Et dans sa colère, elle envoya vendre au marché l'agneau en question, de sorte que les gens de la maison n'eurent à manger que de l'huile et des fèves. Humilta sourit, et la mère vit ce sourire. Elle devina tout. « Oses-tu me braver insolente ? » pensa-t-elle. « Oses-tu rester là devant moi, à rire de mes larmes, avec ta tête haute qui ne se courbe jamais ?» Il lui était plus insupportable encore de penser qu'Humilta eût repoussé son fils que d'avoir à admettre qu'elle eût poussé l'audace et l'infamie jusqu'à faire le contraire. Mais elle se tut prudemment et Humilta fit de même. « Je suis si contente qu'il soit parti », se répétait la jeune fille sans cesse toute la journée. Cependant, le soir venu, le son de la mandoline lui manqua et elle trouva froide la lueur des étoiles. « Je dirai la même chose 10 fois de suite, pendant 10 ans, » pensait Humilta, et elle se mit à désirer fiévreusement que la couronne d'or ne tardât pas trop à descendre sur son front, et elle se montra presque rude envers ces pauvres bêtes quitte à les caresser, à les embrasser ensuite, avec une tendresse qui ne lui était pas habituelle. Il lui semblait qu'un vide s'était fait dans sa vie, que les collines arrondies se rapprochaient d'elle comme pour l'étouffer, que chaque pin, chaque olivier, fut un geôlier préposé à sa garde. L'idée lui vint de s'en aller. Elle n'était pas une esclave, après tout. Donna Rosa ne pouvait la retenir contre son gré. Il devait y avoir d'autres endroits dans le monde. Ceux, par exemple, d'où venaient les colporteurs, et où l'on envoyait le bétail au marché. Umilta se dit donc qu'elle irait chercher fortune ailleurs. Seulement, elle aimait les montagnes. Elles avaient toujours été ses amies. Les seuls amis qu'elle se connut, sauf ses vaches, et le chien Giorgio. Peut-être ailleurs n'y avait-il pas de montagne, elle n'en savait rien. D'autres encore, outre la signora Rosa, commencèrent à lui faire mauvaise mine. On sentait vaguement qu'elle avait refusé Virginio, et les sœurs du soldat et toutes les filles à la ronde la détestaient pour cela. Il est vrai qu'elle l'eût détestée davantage si elle eût écouté Virginio. Tout autre qu'Umilta aurait été dans cet abandon et cette amertume prendre conseil du prêtre. Umilta s'en garda bien. Elle était pieuse à sa manière, mais le prêtre qu'elle voyait fumer, surveiller son vin doux, gronder sa servante, prendre part au commérage, tout comme un autre, ne lui inspirait pas grande confiance. Elle tint donc ses lèvres closes et devint plus froide, plus hautaine, plus isolée, de jour en jour, plus belle aussi, disaient les hommes. Contrairement à l'usage toscan, Umilta donnait toujours un peu d'air et de mouvement à ses bêtes prisonnières quand on n'en empêchait pas, c'est-à-dire quand la moisson était faite, et qu'elle pouvait brouter ça et là sans occasionner de dommages. Le blé, une fois récolté, elle les emmenait dans les champs et les laissait s'y ébattre, y paître à leur guise. Donna Rosa grognait bien un peu, parlait de temps perdu, mais sans soulever d'objections sérieuses. Après la vendange, les bêtes étaient plus libres encore. Elles allaient partout, ne pouvant faire de mal, et Umilta aimait ces matinées d'automne fraîches et brillantes, où les nuages fuyaient chassés par le vent. Toute seule, au grand air, elle se trouvait bien, avec les seules branches des pins ou les rameaux des oliviers entre elle et le ciel. Un jour qu'elle jouissait ainsi du beau temps en compagnie de ses bêtes, Netta Sari vint à passer. Netta tenait dans sa main un fil de perles. S'arrêtant, elle les montra à Umilta, bien que jusque-là, elle ne lui en eût jamais parlé, pour ainsi dire. « Regardez donc, elles sont presque neuves et si belles. Mon grand-oncle de Pontassieve me les a portées hier soir. Il n'y en a pas de pareilles dans toute la commune, non pas même, je crois, à Signa. » Ultima y jeta un coup d'œil. « Elles sont gentilles, » dit-elle brièvement. « Gentilles ? Bah, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Gentilles ? Ce ne sont pas des perles de campagne, entendez-vous ? Elles ont été achetées sur le pont des Orfèvres, Via. Qu'est-ce que cela me fait ?» repartit Umilta d'un ton boudeur. « Oh, cela ne vous fait rien du tout, j'imagine, » ricana la propriétaire des perles. « Rien du tout. Vous n'en avez pas envie, n'est-ce pas ? Vous qui n'avez cessé de faire les yeux doux à Virginia Donaldi, en pure perte. » Le sang monta aux joues d'Umilta. Une flamme sauvage s'alluma dans ses prunelles. Elle se leva toute droite, prête à écraser de sa fureur et de sa force la petite créature effrontée qui l'insultait. « Moi ? Moi ? Êtes-vous folle, Antoinette Sari ? Moi ? Sachez une chose, vous qui soupirez et languissez, pauvre fille, pour Virginia Donaldi, sachez qu'il m'aimait, oui, moi qui vous parle, moi, et que je l'ai traité comme je traite cela. » Et elle lança par-dessus son épaule une pomme de pin tombée au flanc de la montagne. La pomme de pin roula d'étage en étage jusqu'au fond d'un ravin, où elle fit grand-peur à une chèvre qui broutait par là. Et Netta Sari devint blanche comme un linge. Elle ne pouvait douter que sa rivale ne dit vrai. « Vous voudriez me mettre à votre niveau ?» dit Umilta, enragée contre elle-même autant que contre les autres. Elle frappa ses bâches de la branche qu'elle tenait et les emmena plus loin. Sa conscience la tourmentait un peu. Elle savait qu'elle venait de manquer de générosité envers un absent, qu'elle avait trahi un secret à elle confié, que ce n'était pas son droit de le dévoiler ainsi. Mais ses délicatesses n'étaient pas en grand usage sur la montagne. « Après tout, » pensa-t-elle, « une sainte aurait perdu patience. Or, elle n'était pas une sainte, loin de là. » Netta rentra chez elle avec ses perles dont elle avait tant tiré vanité et qui maintenant n'avaient pas plus de prix à ses yeux que des œufs de pinson. Umilta tenait sa vengeance, mais elle n'en était pas plus contente. Tout en errant derrière ses bêtes à travers les clairières des grands pins où poussaient par couches épaisses les cyclamènes, elle s'adressait des reproches. Quel mal lui avait fait Virginio pour qu'elle le trahît et se moquât de lui? C'était le temps des vendanges. Elle devait être bonne cette année-là. Partout on échangeait des repas, partout on dansait, on chantait, on grattait la mandoline, on faisait l'amour, au pianicherry aussi bien qu'ailleurs, quoiqu'on n'y fût pas riche. Umilta, tout le jour, travaillait dans les vignes, mais elle s'enfermait au grenier aussitôt que venait le soir avec les plaisirs qui l'accompagnent. Netassari dansait à cœur joie, les perles sautant sur sa poitrine bondissante. C'est ainsi qu'elle aime Virginio, pensait Umilta avec un profond mépris. Ce n'était pas ainsi qu'elle lui aimait dans le cas impossible où elle se serait éprise de lui comme il l'était épris d'elle. Quand les vendanges commencèrent chez Signora Rosa, cette mère énergique et résolue ne voulut pas, quoique son cœur saignât pour le fils absent, donner aucun signe extérieur de chagrin. Elle prépara donc un plus beau souper que de coutume et y invita tous ceux qui étaient venus d'une lieue à la ronde. Il ne fallait pas qu'on devinât jamais, pensait-elle, que son préféré avait été humilié d'un refus par une enfant trouvée. Umilta reçut l'ordre d'être présente au repas et Umilta obéit. Comme toujours, elle était la plus belle, mais aucun homme cependant n'osait l'aborder. Aussi bien essayer de flatter un chat sauvage, se disait-il entre eux. Quand tout le monde fut en liesse, elle disparut et alla se coucher. Il n'y avait pas un garçon parmi ceux-là, remarqua-t-elle, qui fût digne de dénouer les souliers de Virginio. Il était si grand, si svelte, si pâle, si élégant, autant qu'un comte, que le plus beau cavalier. N'importe. Comme elle l'avait rejeté loin d'elle, cette pomme de pin. Elle en était fière, elle en était ravie, et cependant les larmes lui venaient aux yeux tandis qu'étendue sur son grabat, elle récitait le rosaire au bruit des flûtes, des guitares et des pas de tous les danseurs. Pendant ce temps, un gros événement se passait au-dessous d'elle. Netassari avait perdu son collier. Avec un cri perçant, elle cessa de danser et annonça tout haut cette perte. Comment l'avait-elle perdue, où, quand, elle n'en savait rien. En levant la main pour chasser un papillon de nuit qui l'effleurait, elle s'était aperçue qu'il n'était plus à son cou. On l'entoura, chacun chercha par terre et de tous les côtés. Des lumières furent introduites dans les trous les plus obscurs, mais nulle part il n'y avait de collier. On ne l'avait pas écrasé en dansant toutefois, puisqu'il n'en restait pas de débris par terre. La musique s'interrompit et la danse avec elle. On n'entendait plus que les langues qui s'évertuaient à se lamenter sur cette perte inconcevable, à supposer ceci, à supposer cela. Toujours en vain, le collier était bien perdu. Netta ne pouvait dire où il était tombé. Elle avait été toute à la danse depuis le commencement de la fête, sans s'inquiéter du reste. Mais à présent, elle sanglotait. Un si beau collier, le cadeau de son grand-oncle de Pontassieve. Et qu'était-ce qu'une fille sans perles, un oiseau sans son plumage? Netta pleurait donc des larmes amères, ses yeux d'azur en ruisselaient. Donna Rosa, scandalisée qu'un tel malheur se fût produit dans sa maison, déclara que cette maison, réputée honnête entre toutes, serait visitée de fond en comble. Oui, on ne laisserait pas un coin inexploré. Saisissant une lampe à trois branches, elle se mit à parcourir les corridors, à monter les escaliers. Tout le monde la suivait, mais on ne trouvait rien. « Nous avons pourtant cherché partout !» s'écria-t-elle au désespoir. « Sauf à l'étable et au grenier !» dit Netta presque à voix basse. Puis elle se mordit la lèvre et parut fâchée d'avoir laissé échapper ses paroles. « Crois-tu donc que mes bâches l'aient mangée ?» s'écria Signora Rosa. « Viens, nous chercherons là aussi, bien que ce soit une sottise !» Elle alla elle-même avec une de ses filles et Netta visiter l'étable et le grenier au-dessus. Umilta, lasse d'un long jour de travail, dormait profondément comme seuls peuvent dormir la jeunesse et la santé. Sa tête sculpturale reposait sur son bras, et le foin lui servait d'oreiller. Elle ne s'éveilla pas d'abord, mais enfin l'éclat de la lumière tout près de ses yeux la fit tressaillir. Elle entr'ouvrit ses longues paupières et, tout aveuglée, tout ahurie, murmura « Qu'est-ce ?» en pensant à ses bâches. « Netta a perdu son collier, c'est étrange, » dit la signora Rosa. « Naturellement, il ne peut être ici, mais pour lui faire plaisir. » Cette phrase ne fut pas achevée, car au moment même où Umilta se soulevait sur le coude et regardait les trois femmes d'un œil assoupi, une petite perle blanche roula hors du foin et brilla dans le rayon que projetait la lampe. Oh, c'était bien une perle. Netta se jeta dessus. « C'est une des miennes !» s'écria-t-elle, triomphante. Le visage bronzé de Donna Rosa devint sévère et prit un ton de cendre. « Lève-toi » dit-elle brusquement à Umilta. Umilta se leva, ses membres demi-nus brillant à la lumière comme la perle elle-même. Alors Donna Rosa plongea ses mains tremblantes dans le foin çà et là, rapidement, en silence. Au bout d'une minute, elle retira le collier de Netta. Le fil était rompu, les perles s'échappaient. « Oh, voleuse !» s'écrièrent à la fois Netta et d'autres voisines qui étaient accourues. Donna Rosa, assise sur le foin, regardait droit devant elle. Toute couleur s'était effacée de ses traits. « Impossible » murmura-t-elle. « Impossible !» Les exclamations de Netta continuaient d'attirer les curieux. Umilta recula devant l'audace de tous ses yeux insolents braqués sur elle et essaya de se cacher. Elle ne comprenait rien. Elle était encore à moitié endormie. Donna Rosa repoussa brutalement la porte de son pied. « Arrière, imbécile » cria-t-elle à ses hôtes. « Décampez d'ici !» Puis, se tournant vers Umilta d'un mouvement plus sauvage encore, « Comment ce collier est-il venu dans ton lit ?»« Ce collier, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas !» balbutia Umilta pétrifiée. « Moi, je comprends !» dit Netta, en secouant les perles devant elle. « Vous les avez volés, voilà ce que je comprends, et on me fera justice. Je prétends qu'on me fasse justice, signora Rosa. C'est une honte dans une maison comme la vôtre. »« On te fera justice, sois tranquille, » dit rudement signora Rosa. « Et quant à l'honneur de ma maison, j'en saurai prendre soin sans qu'une gamine de ta sorte me donne de leçons. Il y a erreur, je crois. »« Umilta, comprends-tu de quoi on t'accuse ?»« Les perles sont dans ton lit. » Les aurais-tu volés ? Umilta eut enfin conscience de ce qui se passait. Son visage s'empourpra. Moi ? S'écria-t-elle. Puis elle partit d'un éclat de rire frénétique. Moi ? J'ai volé ? Donna Rosa, êtes-vous folle ? Et cette fille aussi ? Les perles étaient dans ton lit. Tu dormais dessus. Moi ? Répéta Umilta, et une nouvelle stupeur l'envahit. Elle se tenait immobile comme une jeune déesse, les bras croisés sur son sein nu, les yeux fixes. « Oh, la voleuse, la menteuse, l'impudente !» criait Netta. « Donna Rosa, vous la livrerez aux gendarmes, dites. J'ai le droit de les appeler. Il manque deux perles. Papa va chercher les gendarmes. »« Comme vous voudrez, Netta, » dit froidement la fermière, trop fière elle-même, pour demander qu'une pareille humiliation fût épargnée à sa maison. « Umilta, parle donc, dis quelque chose. Es-tu innocente ? Je ne peux te croire coupable. Et cependant ?» Umilta écoutait. Jamais son regard, sa lèvre frémissante, n'avait exprimé plus de dédain. Elle ne concevait rien à ce qui lui arrivait, mais elle endurcissait son cœur. « Pensez tout ce que vous voudrez, » dit-elle en repoussant du pied une perle qui traînait par terre. Ses grands yeux semblaient menacer Netta comme deux lames étincelantes. « Eh, je ne sais que penser, » répliqua Signora Rosa, qui, pour la première fois de sa vie, tremblait des pieds à la tête. « Je ne sais que dire, mais on ne pourra me reprocher d'avoir refusé justice à l'un de mes hôtes. Le droit est le droit, elle a le droit pour elle. Habille-toi, Umilta. Netta Sari, appelle ton père et mon mari. » Des heures se passèrent en agitation, en discussion, en altercation vaine. Le jour se levait. Umilta n'avait dit que quatre mots toujours les mêmes, « Croyez ce que vous voudrez. » Netta tenait à ses droits, son père, homme faible et violent à la fois, la soutenait au lieu de la calmer. Le matin venu, il descendit à l'Astra Signa, chercher la garde, qui l'emmena pour prendre Umilta. Signora Rosa, assise sous le porche, pleurait amèrement. Jamais un homme de loi n'avait encore franchi le seuil de sa maison. Cette disgrâce la frappait comme la lanière acérée d'un fouet. Que sa propre servante, une jeune créature qui avait mangé son pain et dormi sous son toit pendant 5 années, se fût déshonorée ainsi. Mais elle en voulait surtout à l'impitoyable Antoinette. « Qu'avait-elle besoin, dit-elle à ses filles, d'amener sur Umilta une honte publique? Cela devait rester entre nous. Elle pouvait me charger du châtiment. Cette Péronnelle est méchante. N'a-t-elle pas retrouvé son collier intact? Car pour ce qui est des deux perles qui manquent, J'en aurais volontiers acheté deux neuves. C'est une méchante fille et cruelle. » Cependant, Humiltas s'en allait en prison entre les gendarmes, au bruit du cliquetis de leurs sabres, à travers la solitude feuillue des vignes et des bois d'oliviers. Quand les gendarmes la questionnaient, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, ce qu'ils firent cependant, elle se bornait à répondre avec hauteur « Je n'ai jamais touché aux perles, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. » Et les gendarmes écrivirent en note qu'elle refusait obstinément d'avouer. Opiniâtre, rebelle. Aucun d'eux ne doutait qu'elle ne fût coupable. Les perles avaient été trouvées sous elle. Ces braves gens avaient entendu plus d'une fois la Gazzaladra, et ils en fredonnaient les airs en vrais fils de leur pays, mais le sujet de l'opéra ne leur vint pas à l'esprit. Humilta niait. Elle mentait par conséquent. Selon la loi italienne, la mise en accusation fut prononcée contre elle et l'emprisonnement ordonné quelques heures après. La Lastra a le plus joli tribunal de police qui soit au monde. Un endroit propre à volets verts autour desquels la vigne court en feston. Il y règne une bonne odeur de campagne. Des petites filles tressent de la paille sous la porte. L'agent de police a l'air d'un garde-chasse et le joyeux ousquiéré d'un forestier. Dans l'exercice de ses fonctions, c'est un personnage redoutable. Il lance toutes sortes de mandats et enregistre toutes sortes de sentences sévères. Mais à le voir se promener dans sa petite charrette attelée d'un poney gris, il fait dans le paysage l'effet le plus agréable. Et en réalité, il n'y a pas de meilleurs êtres que ces gens-là. Ils sont au désespoir d'avoir arrêté quelqu'un et s'acquittent de leur fâcheuse besogne dans un esprit aussi doux que possible. Néanmoins, l'Inquisition elle-même n'aurait pas épouvanté Humilta plus que ne le fit ce prétoire ensoleillé dans la petite rue montueuse près de la porte de Pise, lorsqu'elle y entra, par cette resplendissante matinée d'été. Qu'allait-on lui faire? Elle n'en savait rien. Elle avait lu les romans historiques illustrés de Guerrazzi. L'édition milanaise est à bon marché. Elle croyait donc que dans les prisons, la torture subsistait toujours. Ses joues étaient mortellement pâles. Du reste, elle ne donnait aucun signe de terreur. Concentrant toute cette agitation en son âme, les lèvres closes, et se défendant de trembler. Il était 9 heures. Tous les forgerons, les tonneliers, les vanniers, les grainetiers et autres artisans qui composent la petite population de la Lastra sortaient sur le pas de leur porte et s'attroupaient devant le tribunal, enchantés d'entendre parler d'un crime et de voir une criminelle. « Diamene, la belle fille !» criaient les hommes. « La drôlesse !» criaient les femmes. Humilta se redressait encore et regardait d'un air de dédain plus écrasant tous ces curieux qui se pressaient autour d'elle, avec un empressement contre lequel les gardes avaient peine à la préserver. La rue escarpée, avec sa porte brune au sommet, semblait s'abaisser, remonter, ondoyer sous ses yeux. Tout tournait autour d'elle. Néanmoins, elle trouva la force de se soutenir. On lui fit monter les marches. On la fit entrer dans le vestibule en briques rouges où un public local, assez nombreux, bavardait beaucoup, en attendant que les causes fussent appelées. Dans la chambre intérieure qui servait de tribunal, le prétore était assis en robe noire et en bonnet carré. Le joyeux ousquiéré lui-même semblait transformé. Il était terrible sur son tabouret d'office, devant un haut pupitre. Une balustrade empêchait la foule d'avancer. Avide, sans pitié, uniquement soucieuse de son propre amusement, elle représentait bien le peuple, quoiqu'il n'y eût là qu'une ou deux douzaines de vignerons, de boulangers, de bouchers, de chaudronniers et de propres à rien. Humilta se tenait entre les deux gendarmes, plus droite et plus ferme encore que lorsqu'elle avait congédié Virginio. La bonne figure grave du prétore exprimait l'intérêt et la compassion. Mais elle ne voyait pas cela. Elle ne voyait qu'une nappe de lumière blanche avec une tache noire dessus qui, elle l'avait compris, représentait son juge. L'interrogatoire commença. Quand, selon l'usage, on lui demanda quels étaient ses parents et que quelqu'un répondit pour elle « Gente ignoti ». Son orgueil fut blessé jusqu'à l'angoisse. Il lui sembla qu'on la frappait. L'accusation qui pesait sur elle l'avait laissée indifférente. C'était un mensonge, mais ceci était la vérité. Elle sentit quelque chose comme la brûlure d'un fer rouge. L'interrogatoire continua et il fut long. Les choses vont toujours lentement à la campagne. L'air s'épaissit, devint étouffant, le soleil battit de ses flammes, les volets fermés. La foule se remuait, changeait de place, entrait, sortait, et toutes ces voix mêlées ronflaient à son oreille comme le bourdonnement des moustiques. Aux questions qu'on lui adressa, elle ne voulut répondre que ceci. « C'est un mensonge. Je n'ai jamais pris les perles. Je lui ai porté un coup, cela, je ne le nie pas. Je lui ai porté un grand coup. Je recommencerai volontiers. Elle est la bassesse et la fausseté même. » Deux fois, trois fois, elle répéta la même chose, et en dépit de toutes les menaces, ne voulut rien dire de plus. L'âme équitable du bon juge en était toute contristée. Assurément, les faits étaient contre elle, et cependant, il ne pouvait prendre sur lui de croire à ce vol. Avec une patience, une bonté infatigable, il s'efforça de la faire parler franchement, mais elle était trop atterrée, trop opiniâtre aussi, pour discerner la bienveillance de ses intentions. Son cœur se fermait à lui comme à tout le reste. Son esprit n'était tendu que sur une chose, elle ne voulait pas qu'on vît le mal qu'on lui faisait, et si elle devait en mourir, eh bien, elle ne laisserait pas échapper une plainte. La foule était contre elle. De quel droit cette coupable restait-elle muette et méprisante comme une reine outragée? La foule était furieuse. Elle se trouvait traitée trop légèrement. Assez tard dans l'après-midi, le bon juge reconnut avec un soupir qu'il n'avait aucun prétexte plausible pour envoyer Humilta de la plainte. Elle n'avait pas articulé un mot de défense ou seulement d'excuse. Elle niait, mais cela ne comptait pas. Le moyen de s'en rapporter à sa parole? Donna Rosa elle-même ne disait rien de favorable. Sombre et sévère, sous la robe de laine des dimanches et le mouchoir à fleurs, elle ne portait témoignage que de son orgueil et de sa très mince reconnaissance. À regret, le prétoré renonça à tout espoir de sauver une personne qui ne pouvait ou ne voulait pas se sauver elle-même. Des voix bruyantes et courroucées proclamaient en chœur qu'elle était une voleuse. Avec effort et d'un ton où l'hésitation se mêlait à la pitié, il l'envoya en prison pour attendre son jugement. Humilta, qui pendant 4 mortelles heures était restée ferme et droite comme l'un des jeunes pins de la colline, tomba de tout son long sur le sol comme tombe l'arbre quand la hache lui a porté le dernier coup. Signora Rosa, quelque dure qu'elle fût, se sentit elle-même brisée. Elle sanglota tout haut. « Je lui aurais plutôt donné mes perles de noces. » Netta devint très pâle et l'éclat cruel du triomphe commença à s'éteindre dans ses yeux. Les gardes enlevèrent le corps inanimé et l'emportèrent, car maintenant il appartenait à l'État. Il y a parmi les 3 portes de la Lastra une vieille porte rembrunie qui fait face à l'Orient et qu'on appelle Porta Fiorentina. C'était la prison de la Lastra. Elle est la plus haute et la plus grande de 3 et fait penser à quelques vieux guerriers battus par toutes les intempéries. Les sculptures de ces écussons de pierre sont terriblement dégradées. Des fleurs sauvages poussent entre ces mâchicoulis. À l'intérieur se trouvent quelques chambres dont les fenêtres donnent au levant et au couchant. Ces chambres-là représentent la prison du village. On y porta Humilta, on l'y enferma. Un plancher tout nu, un grabat, voilà ce qu'elle trouva au réveil. Le ciel bleu était loin, bien loin. Il se montrait entre les barreaux comme pour la narguer. Tout Italien qui n'est pas pris en flagrant délit peut jouir de sa liberté jusqu'à l'heure de son jugement. Fût-il le plus noir scélérat du monde. Mais s'il est pris sur le fait, on ne le lâche plus. Humilta avait été trouvée couchée en compagnie du collier. On devait la tenir sous clé jusqu'au moment, éloignée de plusieurs mois peut-être, où il conviendrait à la loi de voir si elle était innocente ou coupable. Non qu'il pût exister aucun doute raisonnable à ce sujet. Elle avait caché les perles dans son lit. Comment justifier ou seulement pallier cela, à moins qu'elle ne fût folle? Signora Rosa, sans avouer cette faiblesse à personne, car elle en avait honte, tira furtivement sa bourse de sa poche et paya ce qu'il fallait pour qu'Humilta eût une chambre séparée qui la préserva du contact des autres prisonnières, car on en comptait jusqu'à 4 en ce moment, et parmi elles, une femme de mauvaise vie. Donna Rosa s'excusait à elle-même de cet argent perdu, en alléguant qu'elle ne pourrait permettre qu'une femme de sa maison frayât avec des débauchés, même dans une prison. Humilta eut donc sa cellule à part, dans les profondeurs de cette vieille porte, qui avait résisté au feu des Espagnols et survécu aux luttes sans nombre de bien des siècles. Là, elle devait attendre son jugement, qui, selon les lenteurs de la loi italienne, aurait lieu tout au plus vers la Noël. Si elle est sans péché, rendez-lui la liberté. Si elle est coupable, punissez-la et finissez-en vite, dit Signora Rosa dans la colère et le chagrin et la honte qu'elle éprouvait de voir sa maison si honorable ainsi entachée d'ignominie. Mais l'huissier ne fit que secouer sa tête grise. Ce ne sont pas là les façons de la loi. Alors la loi n'est qu'une bête, riposta Signora Rosa, les joues en feu. L'huissier haussa les épaules. Il avait été 50 années de suite serviteur de la loi. Ce n'était pas à lui de blâmer sa maîtresse. Donna Rosa, émue au fond du cœur, si inflexible qu'elle se crut, s'en retourna avec la petite Sahari, qui gardait un profond silence au milieu des chaos de la charrette sur la roue raboteuse. On avait fait tort chez elle à sa voisine, et elle avait réparé ce tort. N'importe, Donna Rosa ne pouvait pardonner à la vindicative Netta. Il faisait nuit quand la charrette atteignit la ferme. Les jeunes filles sortirent pour entendre les nouvelles. Les vaches mugissaient dans leur stall, appelant la gardienne qui ne pouvait revenir à elle. Le chien reniflait et geignait. Ce fut un triste retour. Donna Rosa s'assit sur son escabeau près de l'âtre, jeta son tablier sur sa tête et sanglota de nouveau. « Je ne me croyais pas si attachée à cette fille, » disait-elle à ses enfants, avec une sourde colère contre elle-même. Nettina, sans qu'on s'en aperçût, sortit à pas de chatte et regagna la maison de son père. Elle avait eu sa vengeance, mais elle ne la trouvait plus aussi douce à présent. La lune s'éleva dans le ciel, les rossignols chantèrent, la nuit d'automne s'achevait lentement, Omilta était en prison. Le lendemain, Nettina pria son père de l'emmener à la ville. Le bonhomme la regarda ébahi. Les jeunes filles de ces campagnes ne pensent pas plus à aller en ville que les pins ne pensent à se déraciner. Quand il est question de leur mariage, peut-être y vont-elles une fois faire leurs acquisitions. Voilà tout. Il y a profit et sûreté à garder la maison. Telle est la règle toscane. Mères et jeunes filles tiennent donc à leur foyer. Mais Nettina était la favorite, la benjamine du vieillard. Elle l'enlaça de si jolis petits mensonges, déclarant qu'elle avait besoin de ceci, qu'elle désirait cela, qu'à la fin il consentit à l'emmener cette même semaine, le jour du marché, avec la gouvernante du prêtre, Séraphine, âgée de 80 ans et sourde comme une pierre, pour la surveiller. Arrivée en ville, Netta occupa la vieille femme qui l'accompagnait à choisir des mouchoirs à fleurs dans les boutiques en plein vent qui sont près du sanglier de bronze, et se glissa elle-même chez un écrivain public du marché à quelques pas de là. « Écrivez pour moi ceci, » murmura-t-elle à l'oreille du vieux scribe ridé, assis derrière son pupitre, et elle lui dicta. « Votre belle Omilta a volé des perles. Elle est en prison. Quelqu'un qui vous souhaite du bien trouve que vous avez eu de la chance d'être refusé par elle. »« Rien de plus ?» dit le scribe, désappointé, car il aimait les phrases arrondies, les fleurs de rhétorique, les circonlocutions sans fin, étant un homme de talent qui n'avait pas réussi. « Rien, » répondit Toinetta, tandis que de vives couleurs montaient à son petit visage nerveux jusqu'aux racines de ses cheveux frisés. « Et maintenant, mettez la lettre dans une bonne enveloppe, bien forte. Je paierai ce qu'il faudra. » Sur laquelle vous aurez écrit très lisiblement « Au signor Virginio Donaldi, sous-officier dans l'armée du roi, au régiment des Bersaglieri à Turin. Via. » Le scribe fit ce qu'on lui commandait, et Nettina mit la lettre à la poste de ses propres mains. À présent, elle commençait à savourer sa vengeance. Ce n'était rien jusqu'à ce qu'il en fût averti. « Quand ma lettre arrivera-t-elle à l'endroit qu'on appelle Turin ? » demanda-t-elle fiévreusement à la poste. Quand on lui eut répondu « Demain », elle poussa presque un cri de joie. « Demain, il saurait. » Elle courut, elle dansa si follement sur le pavé que la vieille sourde qui l'accompagnait en fut scandalisée. L'attirant par la manche, elle grommela. « Ce n'est pas décent, ce n'est pas discret, avec toutes ces belles boutiques autour de vous, Netta. Vous devriez vous tenir comme à l'église. » Mais Nettina n'y prenait pas garde. Elle triomphait. Demain, il serait averti. Et ni lui ni personne ne se douterait que l'avertissement vint d'elle, car il n'était pas signé. C'était un écrivain public qui l'avait tracé. Et les yeux à demi aveugles de la gouvernante du prêtre ne l'avait pas vu glisser la missive à la poste. Netta avait acheté l'un des mouchoirs de cou, un joli mouchoir avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, orné d'un paon et d'un chinois au milieu d'une couronne de roses jaunes, et elle avait forcé la bonne Séraphine de l'accepter. Aussi Séraphine ne tarissait-elle pas dans ses louanges sur la demoiselle et sa belle conduite quand elles allaient rejoindre le père Sari devant l'église Carmine pour remonter dans la méchante diligence qui les conduisit tous trois au pont Vignone, au pied des collines. De là, ils devaient faire à pied la longue course qui les ramenait chez eux. Netta ne put dormir de la nuit. Elle ne fit que songer combien elle avait été habile et qu'au lever du jour, Virginio aurait des nouvelles de sa bien-aimée. La lettre fut remise à Virginio Donaldi tandis qu'il fourbissait son sabre à la caserne. Il avait autre chose à faire que de lire des lettres. Fourrant celle-ci dans sa poche, il s'occupa de ses hommes, surveilla leur marche, leur contre-marche, jusqu'à ce que, le soir venu, sa besogne finie, il pût s'asseoir devant un café pour savourer un verre de limonade et vaquer à la correspondance. À peine eut-il jeté les yeux sur ce billet de 3 lignes qu'il se leva d'un bond avec un juron terrible. Puis il courut trouver son commandant et sollicita la permission de s'absenter. « Tu n'es de retour encore que depuis 3 mois. S'agit-il d'une affaire pressante ?» demanda l'officier, qu'il appelait mon fils et l'aimait beaucoup. Virginio devint pourpre. « Urgente au point que, si le meilleur des chefs ne m'accorde pas de permission, je la prendrai, au risque d'être fusillé. » répondit-il avec un éclat effrayant dans le regard. Le commandant sourit. S'il savait être sévère, il savait aussi être indulgent au besoin. « Comme nous sommes seuls, dit-il, je laisserai passer ce discours imprudent. Tu auras 3 jours de congé. » Virginio courut à la station. L'express de nuit allait partir du côté du sud. À 5 heures du matin, il atteignit Florence. À 7 heures, un soldat au panache de grandes plumes vertes sur l'épaule frappait à la porte de la pretura de la Stra Assigna. Une petite fille balayait la salle d'audience. Les oiseaux gazouillaient dans le lierre qui grimpe au volet. L'huissier venait d'entrer avec une corbeille de poire et un bouquet d'olives parfumées. Ces 2 personnes regardèrent le soldat comme s'il eût été un spectre. « Quant à voir le maître, c'est impossible, » dit la petite fille, répandant à loisir du sable sur le plancher. « Impossible, » répéta comme un écho l'huissier respirant son olea fragrans. « Je ne connais pas le mot impossible, » dit Virginio, qui était devenu très pâle. « Allez lui dire que je le conjure au nom de Dieu de me donner audience, et que s'il refuse, il sentira mon sabre à travers sa robe de nuit. »« Qu'est-ce ? » marmotta l'huissier. « Voilà une jolie manière de parler dans les salles de la justice. »« Je suis venu pour la justice, » répliqua Virginio. « Mon sabre s'est chargé déjà plus d'une fois de la faire rendre. Allez !» À la fin, on l'écouta. Il vit le prétoré qui déjeunait, et que l'idée de goûter du sabre à travers sa robe de nuit avait amusé autant que le toucher d'ailleurs l'émotion profonde du jeune homme. « Et vous êtes sûr que cette fille est innocente ?» dit-il à la fin de leur entrevue. « J'en réponds sur ma vie. À merveille. Où sont les preuves, pourtant ? Je n'ai pas de preuves, il n'en est pas besoin. La loi n'est pas de cet avis. Permettez-moi une question. L'accusée est-elle votre fiancée ? Non. Votre maîtresse, alors ? Non plus. » Virginio hésita une seconde, puis il reprit précipitamment. « Je l'aime, mais elle n'a rien à me dire. Elle n'a pas voulu de moi. Bon, vous êtes généreux en ce cas, et votre témoignage n'en a que plus de prix. Désirez-vous la voir ? Peut-être vous accorderai-je cela. On ne vous laissera pas seul, bien entendu, mais vous pourrez toujours la questionner. » « Je ne la questionnerai pas, » répondit Virginio, « mais je lui dirai que j'ai foi en elle, si vous êtes assez bon pour m'accorder cette grande grâce. » Le prétorat appela l'huissier par la porte ouverte. « Attendez, » dit-il, après avoir donné ses ordres. « Voyez-vous quelque raison pour laquelle l'accusatrice, j'oublie son nom, puisse en vouloir à l'accusé ? Oh, pour cela, oui !» répliqua Virginio avec l'espèce de franchise italienne qui reste indifférente à toute considération de délicatesse. « Cette fille, Netta, est folle de moi. Sa famille aussi veut que je l'épouse, et tous s'accordaient à dire là-bas que je ne me souciais que de l'autre. » Le prétoré sourit de nouveau et fit signe à l'huissier d'emmener Virginio. Celui-ci descendit la rue escarpée. Par-delà la chasse de la Madone, il atteignit la porte Fiorentina. « Vous ne pourrez la voir que 10 minutes et devant témoin, » déclara l'huissier. « Cela vaut toujours mieux que rien, » répondit le soldat, tandis qu'il gravissait l'escalier de la prison. L'huissier appela le custode des prisonniers, lui remit l'ordre du prêteur, et Virginio suivit ce nouveau guide jusqu'à une porte soigneusement barrée et verrouillée. Virginio pâlissait comme il n'avait jamais pâli devant les horreurs de la guerre. « Elle est ici, enfermée là-dedans. Oh, les gueux !» gronda-t-il entre ses dents, tandis que sa main cherchait la poignée de son sabre. « Quelqu'un vient vous voir par ordre du prétore, » dit le geôlier. Il ouvrit la porte, sans avertir autrement, et entra le premier, tandis que Virginio demeurait hésitant sur le seuil. Umilta gisait à demi vêtue sur le lit. Elle n'eut que le temps de jeter un vêtement autour d'elle, puis se leva et se tourna vers eux. La malheureuse avait passé 3 nuits en prison, et ces 3 nuits avaient fait sur elle l'œuvre d'autant d'années. Toute sa fraîcheur s'était éteinte. Ses cheveux, si brillants d'ordinaire, semblaient ternis, ses yeux égarés. Il y avait sur ses traits je ne sais quoi de hagard, de douloureux et de désespéré, qui alla droit au cœur de l'homme qu'il aimait. En 2 pas, il fut auprès d'elle. « Umilta, ne me reconnais-tu pas? Regarde-moi. Je suis ton ami, toujours. Je serai ton fiancé quand tu voudras. Je suis venu aussitôt que j'ai appris l'affreuse nouvelle. Pourquoi ne me parles-tu pas? Je ne te demande rien. Je sais que tout cela est un mensonge. » Elle le regarda, incrédule. La misère et l'angoisse de son âme étaient trop profondes pour qu'aucune consolation pût y atteindre très vite. Elle recula comme un fauve blessé. « Va-t'en, » dit-elle entre ses dents. « Barre trouver Netta Sari. C'est elle qui te réclame. Ce n'est pas moi. Je suis une voleuse, tu sais, on le dit. » Et elle éclata d'un rire qui glaça le sang de Virginio. Il avait entendu ce rire-là dans une maison de fous à Palerme. « On peut le dire, » répondit-il, s'efforçant de paraître calme et ferme. « Qu'est-ce que cela me fait qu'on le dise? Tu es innocente comme l'enfant qui vient de naître, et je t'aime, Umilta, et si je ne réussis pas à te délivrer, eh bien je t'attendrai. Oui, j'attendrai que tu sois sortie de prison, et ce jour-là, tu seras ma femme, si tu veux. Voilà ce que je suis venu te dire. » Il n'essaya pas même de lui toucher la main. Il se tenait droit devant elle, le visage blanc comme cire. Il donnait sa vie, c'était tout. Le geôlier s'était retiré sans bruit à l'écart. Il restait sur le pas de la porte ouverte. Virginio l'avait oublié. Sur le visage d'Umilta se répandit une grande lumière, ainsi qu'il arrive quand le soleil, écartant les nuages, brille un moment dans le ciel obscur. Elle gardait le silence. « Ne me comprends-tu pas ?» reprit Virginio. Elle y avait des larmes dans sa voix. « Tu ne te soucies pas de moi, tu m'as repoussé. Tu as dit que tu me haïssais, mais je t'aime, moi. Je te prendrai corps et âme, tel que tu es. Et quoi que puisse faire le diable, il ne t'arrachera pas de mes bras. Le bon Dieu t'a fait belle, et tu t'es gardée pure. De cela, j'en réponds. Je ne peux pas t'ouvrir la porte, mais je peux attendre. Quand tu sortiras de ce lieu maudit, tu viendras à moi, et si jamais, en quelque temps que ce soit, on te jette encore au visage le vil mensonge pour lequel tu souffres, il faudra compter avec moi, et on le payera cher. C'est moi qui te le promets. » Elle entendait. Sa bouche orgueilleuse frémit. Tout en elle changea et parut vivre d'une nouvelle vie pleine de tendresse. « Tu me dis cela, maintenant ?» murmura-t-elle, stupéfaite et ravie. « Je le dis maintenant et je le dirai toujours. » D'un mouvement brusque, elle s'élança vers lui et lui jeta les bras autour du cou. « En ce cas, tu sauras la vérité. Je t'aime. » Un instant, elle le garda dans cette étreinte. L'instant d'après, elle l'écarta d'un geste désolé. « Mais je ne t'apporterai jamais la honte, jamais, jamais. Je ne ferai pas entrer le déshonneur dans ta maison. » Sa voix se brisa, elle fondit en larmes, toute sa réserve, toute sa fierté s'était fondue comme la neige sous la chaleur. « Je n'y comprends rien, » s'écria-t-elle, « je n'y comprends rien. Je n'ai seulement jamais regardé les perles. Comment se sont-elles répandues dans mon lit? Je ne peux dire autre chose. Je dormais quand ils sont venus et qu'ils les ont trouvées. Elles étaient sous moi, c'est vrai. Ta mère elle-même les a ramassées, mais je ne sais rien de plus, rien. Virginio l'apaisa doucement et baisa ses cheveux épars. « À quoi bon te défendre ? Oh, si j'avais été ici !»« Tu m'aimes. Répète-le. Tu m'aimes. » Humilta se dégagea de ses bras et le regarda tendrement dans les yeux. « Oui, » dit-elle, avec une douceur grave qui la rendit plus belle dans son désordre et sa pâleur qu'elle ne l'avait jamais été. « Mais je ne te ferai jamais de tort. Que la Sainte Mère du Christ me soit en aide. »« Tu ne peux pas m'en faire, » dit Virginio. La tête lui tournait, son pouls battait à se rompre, son cœur débordait de joie, il oubliait qu'il était dans une prison. « Allons, il faut partir, » dit le geôlier en se retournant, du pas de la porte où il était toujours. « Un moment !» s'écria Virginio, et il reprit Humilta pour l'embrasser encore. « C'est ma fiancée, » expliqua-t-il au geôlier. « Non, » dit Humilta, « non, pas tant qu'on me croira coupable. » « Cela ne fait rien, et cela ne durera point. Que cette prison soit bénie, ma chère âme, puisque tu m'y as fait voir que tu m'aimais. » Il fallut bien qu'il la quittât pourtant, et malgré tout l'espoir qu'il emportait et sa foi profonde, le cœur du soldat s'enfonça comme une pierre dans sa poitrine quand il entendit résonner les verrous et les clés tourner dans les serrures pour séparer du monde la pauvre enfant. Il sortit au plus vite de la Lastra et par les chemins de traverse gagna les bois de la montagne, marchant ainsi jusqu'à la maison de sa mère. Il était de grand matin. Des exclamations de surprise retentirent quand on le vit sur le seuil de la ferme avec le chien Giorgio qui sautait après lui. « J'ai trouvé en prison la femme que j'ai choisie, » dit-il à sa mère avec sévérité. « Convient-il que celle qui sera votre fille souffre cette infamie ?» Donna Rosa jeta son tablier sur sa tête et poussa les hauts cris. Une voleuse reposée sur le sein de son fils? Quelle honte, quelle horreur! Ceux qui la traiteront de voleuse ne me verront plus dans cette vie ni dans l'autre, dit Virginio, blême de colère. Il refusa de manger un morceau et gravit la colline jusqu'aux carrières où demeurait Netta Sari. Il ne savait encore au juste ce qu'il devait penser. Mais un aveugle instinct l'avertissait que la jalousie de cette coquette qu'il avait dédaignée devait être au fond du cruel mystère. Sans cérémonie, Virginio pénétra dans la maison des Sari, un grand bâtiment de pierre, situé au milieu de troncs d'arbres abattus et donnant sur la Carbaïa. Netta était seule à tresser de la paille. Elle aussi jeta un cri perçant lorsqu'elle vit l'ombre d'un sabre effleurer le plancher et le bouquet de plumes flottantes qui se détachait sous la lumière du matin. Elle trembla, ses lèvres bleuirent comme de froid. « C'est toi qui as écrit cela ?» dit Virginio en mettant devant elle la lettre qu'il avait reçue à Turin. « Moi ? Jamais ?» répondit Netta, toujours prompte à mentir. « Pourquoi vous aurais-je écrit, Virginio Donaldi, si je pouvais écrire ? Et je ne peux pas, vous le savez bien. » « Tu l'as donc fait écrire, c'est la même chose, » dit Virginio, s'avançant à tout risque. « Netta Sari, vous êtes une coquine. C'est vous qui avez mis les perles dans le lit d'Humilta pour la perdre. » Il parlait au hasard, mais la physionomie de son interlocutrice lui fit voir qu'il avait frappé juste. Elle ouvrait des yeux fixes, frissonnant comme sous le vent d'hiver et articulant des plaintes entrecoupées. « À vous !» s'écria Virginio, lui saisissant les deux poignets sans aucune douceur. Au cri de Netta, son père, qui faisait du bois dans la clairière, accourut effrayé. Virginio lui imposa silence du geste. « Votre fille a porté un faux témoignage, » dit-il sans la lâcher. « Si vous êtes sage, venez avec moi tranquillement à la Lastra et forcez celle-ci à venir avec nous. Autrement, aussi sûr que voilà un Christ sur la croix, je lui arrache la langue de la gorge pour la clouer à la porte de votre logis. » Avant l'heure de midi, à la Lastra, les commères eurent une autre histoire à raconter. La confession de Netta Sari fut enregistrée en bonne forme devant le juge et son clerc, et elle eut à signer d'une croix en jurant que c'était la vérité. Elle s'était introduite dans le grenier au plus beau moment de la fête et avait glissé les perles dans le foin sur lequel Humilta, bercé par le bruit, dormait d'un profond sommeil. « D'abord, ce n'était qu'une plaisanterie, » assura-t-elle. Mais quand elle avait vu les choses aller si loin, elle n'avait plus osé dire la vérité. Personne ne crut un mot de cette dernière assertion, car tout le monde savait combien elle avait été jalouse de la femme que Virginio aimait. Humilta fut mise en liberté. Quand elle parut au grand soleil, au milieu du tribunal, elle était si pâle avec une telle clarté sur le visage que les curieux rassemblés crurent voir un ange. Le juge lui demanda si elle voulait que celle-ci, qu'il avait faussement accusée, fût arrêtée à son tour et punie. Elle répondit d'une voix basse et faible, comme celle de quelqu'un qui était longtemps malade. « Non, laissez-la. Qu'importe à présent. Et puis je l'avais provoquée. » « Vous l'avez provoqué, comment ?»« Je lui ai dit qu'il m'aimait. » De nouveau, le juge se mit à rire. Elle quitta la petite salle entre Virginio et sa mère, toujours pâle, très grave, châtiée tout de bon et à jamais soumise. « Je crois que je ne serai plus fière, » dit-elle tout bas. « Sauf de toi, » ajouta-t-elle en levant les yeux vers son amant. Aujourd'hui, je la vois encore marcher entre les colonnes élancées des pins. Dans la rougeur de l'automne, parmi les cyclamènes, elle a l'élégance belle d'un haut épi de maïs. Un nœud de rose d'automne orne son fichu tout près du cou. Elle porte l'enfant sur son épaule et l'enfant tient une colombe dans ses petits bras. Si Raphaël vivait pour la voir aussi. La couronne d'or lui est venue, mais d'une autre façon qu'elle ne s'y attendait. Cela ne fait rien. Elle a été en prison. Grogne à demi-voix la vieille femme jaune, ridée, envieuse, qui ramasse du bois mort sur le flanc de la colline. Omilta continue à monter en chantant, l'enfant et sa colombe sur la poitrine. Ainsi s'achève Omilta, esquisse de mœurs toscanes, de Ouida.